chez toi, ici. Oh, c'est bête, Christelle, mais maintenant je suis un peu effrayée de ce que j'ai fait. Et pourquoi? Tu ne trouves pas que c'est insensé, toi? Et si je trouvais que c'était insensé, je ne te prêterais pas mon appartement. De toute manière, maintenant, il est trop tard. C'est juste. Madame a sonné? Oui, je sors. Mettez-vous à la disposition de Madame Heller. Bien, je vais attendre dans la pièce à côté. Dès qu'ils seront là, vous me préviendrez. Les trois premiers, vous pourrez le faire entrer ici. Vous pourrez même en faire entrer quatre. Bien, madame. S'il y en a une dizaine, vous mettrez les autres dans le grand salon. Et s'il y en a plus de 10... Tu crois qu'il y en aura plus de 10? Je ne sais pas, faut tout prévoir. Hein. Oh, ce serait très embêtant à cause de la concierge. Oui. Non, il n'y aura pas plus de 10. Bon. Alors, en tout cas, vous fermerez les vitrines à clé et vous enlèverez tous les bibelots. Vraiment, je me demande comment tu as pu accepter une corvée pareille. Écoute, si tu l'avais vu, tu comprendrais. Moi, elle me fait pitié. Mais pourquoi ne la reçoit-il pas, lui? Mais où et comment? Tu sais bien qu'il est très surveillé. Il ne peut pas faire un geste. Oh. Moi-même, je me demande comment j'aurais pu faire si tu n'avais pas eu la gentillesse de me prêter ton appartement. Enfin, tu ne peux pas comprendre. Pardon? Et les livres? Qu'est-ce que je fais des livres? Oh, ça, vous pouvez les laisser, hein, ils ne les prendront pas. Oh, des classiques. Tu penses, moi, mais je ne les ai jamais ouverts. Bon, tu n'as plus besoin de moi? Non. Oh, alors, bonne chance, ma chérie. Oh, tâche d'avoir fini vers 7 heures. Oui. Bien. Je ne descendrai pas avant un quart d'heure. D'ici là, pas un mot. Madame veut être tranquille. Et ils vous questionneront certainement, vous répondrez que vous ne savez rien. D'ailleurs, c'est vrai, je ne sais rien. Oh, j'aimerais beaucoup que vous ne prononciez pas mon nom. Bien, madame. Oh, c'est... On a sonné. Je vais ouvrir. Ah, oui. Ah. Bon. Ah, oui. Madame va venir tout de suite. Parce que c'est une dame? Oui. Oh, je n'aime pas ça, hein. Oh là là, est-ce qu'elle est jolie? Très jolie. Oh, je n'aime pas ça. Pourquoi? Vous savez, les affaires avec des dames jolies, ce n'est pas des affaires. D'abord, c'est très compliqué et puis elle ne paye pas. Comment ça, elle ne paye pas? C'est-à-dire, elle vous donne... comment dire? Elle vous donne des sourires, mais pour vous parler franchement, ce n'est pas absolument de sourire que j'ai besoin. Ah non? Non, alors. Dites, vous ne pourriez pas me donner des renseignements sur la nôtre d'affaires, là? Non. Hein? Cette dame que j'attends, là, elle est mariée? Oui. Ah. Jeune, jolie et mariée. Bon. Le mari est très vieux, naturellement. Pas du tout. Dans les 40. Fort? Comment fort? Bien portant. Robuste. Oh, très robuste. Ah oui. Il est gentil? Je ne sais pas, il ne rit jamais. En tout cas, tout le monde a peur de lui. Ah oui? Oh là là, ça m'a l'air d'une affaire assez difficile, ça. La récompense est très importante. Combien? Je ne sais pas exactement. Non, mais à peu près à votre avis. Peut-être 10 000 francs. 10 000 francs? Oh, oh là là, oh, j'en ferai des choses, moi, pour 10 000 francs, alors. Moi aussi? Eh oui, mais heureusement, il ne s'agit pas de vous. Qu'est-ce que vous savez faire? Presque tout. Vous savez l'anglais? Non, mais avec des gestes, vous savez, nous autres Marseillais, nous nous faisons toujours comprendre. Dites, comment me trouvez-vous? À quel point de vue? Moralement, je ne crains personne. Hein. Physiquement. Physiquement? Oui, parce que si j'ai bien compris l'annonce, le physique joue. Physiquement, écoutez, c'est assez difficile. Comment, mais c'est pas difficile de dire qu'on trouve quelqu'un bien. Justement. Vous ne me trouvez pas bien? Je vous trouve intéressant. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ah, je vais ouvrir. Oui, si c'est un concurrent, jetez-le dehors. Ça, je ne peux pas. Non, dites, ma belle, jetez-le dehors, allez. Je dois recevoir tout le monde. Oh, c'est pas gentil de lui faire perdre son temps. Hein. Asseyez-vous. Ah. savez que c'est une toute petite affaire. Je verrai bien. Et très difficile avec ça. Ah. Oui. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Bien entendu. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui se décourage facilement. Vous non plus. Alors, moi non plus. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Sûrement pas. Si, si, si. Ah, j'y suis, oui. L'autre soir, au bar du Clairon, je reconnais votre costume. Mon costume y était peut-être, mais pas moi. Il vous va bien, d'ailleurs. On verra bien jusque demain midi. Hein? Oui, je l'ai un peu loué. Vous me dites, si vous avez loué le costume, vous allez insister pour la faire, alors. Vous avez le numéro 1, je n'insisterai qu'à mon tour. Ah ouais. N'avez pas peur que ce soit une mauvaise note pour vous de siffler? Merci, oui. C'est long, hein? Oui. Et encore, pour moi, ce n'est rien parce que j'ai une grosse chance, mais pour vous, alors. Comment savez-vous que vous avez une grosse chance? La femme de chambre me l'a dit. Hein? Pourtant pas cru. Oui, elle me l'a dit, alors. Elle doit le savoir mieux que personne. Mais naturellement. Bon, alors, je vais vous proposer quelque chose. Vous connaissez le petit café qui est tout de suite à gauche? À côté du cimetière? Oui. Je vais l'attendre là. Si vous faites l'affaire, en passant, vous me ferez simplement « hello » et je comprendrai. « Hello », oui. Si par hasard, vous ne faisiez pas l'affaire... Et le fait, je vous dis. Si tout de même, par hasard, vous ne faisiez pas l'affaire, vous aurez la gentillesse de demander à cette dame « est-ce que je fais un peu l'affaire ? Est-ce que je fais presque l'affaire ? Ou est-ce que je ne fais pas du tout l'affaire ?» Si elle vous répond « pas du tout l'affaire », dites-le moi, parce que alors j'aurai peut-être une petite chance. Alors, un peu, presque, ou pas du tout. Merci. Mais vous ne venez pas pour l'annonce? Si. Ah? Vous avez l'air étonné. Un peu, oui. C'est le physique. Eh bien, l'annonce disait assez joli garçon, si possible. Mais vous ne me trouvez pas joli garçon? Je vous trouve intéressant. Ah, votre femme de chambre aussi, oui, c'est bon. C'est très bon. Et encore, sans chapeau, je suis moins bien, mais alors avec un chapeau, quelle différence. Je ne voudrais pas avoir l'air désagréable avec vous. Vous avez l'air d'un bon garçon très sympathique, mais pensez-vous... être réellement très distingué. Distingué? Oui. Ah, il faut être distingué aussi? Oui. Ah oui, mais c'est pas sur l'annonce. Hein? Ah, c'est juste. Remarquez, je peux être distingué aussi, mais alors, il aurait fallu le dire. Excusez-moi. Non, mais d'ailleurs, vous avez demandé quelqu'un ayant eu des malheurs. Alors, vous comprenez bien que dans les malheurs, la distinction... C'est-à-dire, j'aurais voulu... Non, non, je vous demande pardon. Vous avez demandé quelqu'un ayant eu des malheurs. Oui, mais pas depuis sa naissance. Oui, évidemment. Alors... Je suis désolée. Oui. Alors, non, alors... Non, écoutez, maman, vous n'êtes pas exactement l'homme qu'il faudrait... Alors, en tout cas, moi, non, alors... Ne vous plaignez pas trop, hein. Oui. C'est assez dangereux. Enfin, ça peut être assez dangereux. Oui, écoutez, vous savez, sans vouloir vous vexer, il me semble que vous m'avez jugé un peu vite quand même. Mais alors, si c'est dangereux, je suis tout à fait votre homme. Pourquoi? Mais quoi, vous demandez si je suis courageux avec l'accent que j'ai? Ah, vous êtes courageux? Non, j'ai peur que vous ayez... Il faut aussi de l'adresse, n'est-ce pas? De la diplomatie. Vous avez l'air trop franc. Moi? Enfin, vous savez bien qu'il n'y a pas plus menteur que les Marseillais. vous ayez l'habitude de mensonges un peu simples. Ah, bon, bon, j'ai compris. Bon, vous avez la gentillesse de chercher des raisons, mais au fond, depuis que vous m'avez vu, vous savez très bien que je suis impossible. Mais non, écoutez, je vais vous demander simplement quelque chose. Est-ce que je fais un peu l'affaire, presque l'affaire, ou pas du tout l'affaire? Pourquoi cette question? Mais tout à l'heure, il y avait un bonhomme venu pour l'annonce, là. Oui. Mais je crois que je l'ai un peu découragé. Ah bon? Oui, alors je lui ai promis, si je ne réussissais pas, de vous demander si je faisais un peu, presque, ou pas du tout l'affaire. Parce qu'il paraît que si je ne fais pas du tout l'affaire, lui, il aura une petite chance. Ah, vraiment? Oui. Alors, un peu, presque, ou pas du tout? Bien, dites-lui tout de même de venir. Bon, j'ai compris. Je vais le chercher. Bon, je ne vous aurais pas fait perdre votre temps complètement. Veuillez accepter ceci. Oh, volontiers. Je me permettrai de vous envoyer quelques roses. Oh, non, non, oh, merci. Si, j'y tiens beaucoup. Non, je vous en prie. La femme de chambre vous a... Non, non, non, ne dérangez personne, je connais le chemin. Il y avait le chapeau, non? Non. Non, vous n'entendiez pas, ça fait la troisième fois que je sonne. Je ne pouvais pas venir, madame, je répondais au téléphone. Qui téléphonait? Monsieur Heller. Mon mari? Oui, madame. Que voulait-il? Il a demandé si madame était là. Et qu'avez-vous répondu? Qu'on ne vous avait pas vu, naturellement. C'est tout? Il a dit qu'il retéléphonerait. Ah. Il avait l'air furieux. Bien, c'est bien, merci. Ah, il a demandé aussi si nous avions vu M. Crémone ces jours-ci. M. Crémone? Il a parlé de M. Crémone? J'ai dit que non. J'ai bien fait? Oui, très bien, merci. On a sonné. Bien, allez ouvrir, faites entrer, laissez-nous. Bien, madame. Si par hasard M. Heller venait... Non, mais il ne viendra pas. Alors, il ne fait pas du tout l'affaire. Non. Bravo. Vous avez lu l'annonce? Très attentivement, je la sais par cœur. Moi aussi. Vous pensez remplir toutes les conditions requises? Oui. Vous vous trouvez jeune, par exemple? Oui. Quel âge? 46. Mais si c'est nécessaire, je peux m'arranger pour n'en avoir que 28. Vous vous trouvez joli garçon? L'annonce d'ici possible. Avec un peu de travail, j'estime que ce serait peut-être possible. Voulez-vous marcher, s'il vous plaît? Comment marcher? Mais faites quelques pas, marchez. Comme ça? Mais vous n'êtes pas sur les routes, marchez comme dans un salon. Ah, pardon. Vous marchez mal. Je marche mal. Oui. Mais est-ce que c'est une mauvaise note? Non, ce n'est pas très important. Ah bon. En tout cas, je marche peut-être mal, mais je peux marcher longtemps. Ça, c'est inutile. Tant pis. Vous paraissez être d'une bonne famille. Est-ce que mon vieux père doit aussi entrer dans l'affaire? Dans ce cas, je crois que je ferais mieux de renoncer. Non, ma question était maladroite. Mais pas inutile. Vous voulez savoir si j'ai eu ce que votre annonce appelle des malheurs? Oui, justement. Eh bien, j'ai eu des malheurs. Mais c'est une chance pour vous, je ne les ai pas eu à Paris. Oui, pardon? Ah, l'étranger. Ça, c'est un pays. Bon, j'aime mieux vous prévenir tout de suite. Ce n'est pas une bonne note pour vous d'être très intelligent. Dieu merci, je ne suis pas très intelligent. Qu'est-ce que vous savez faire? Presque tout. Presque tout. Moi, je ne fais rien, mais je sais presque tout faire. Moi, si j'utilisais mes connaissances, je serais millionnaire. Ah bon? Oui, mais vous allez tout comprendre en un mot, j'ai trop d'énergie pour travailler. J'ai souvent regretté cette paresse. Tiens, pourquoi un homme comme vous ne doit pas avoir besoin d'argent? Aussi. L'argent permet de choisir ses ennemis. Ah. Et vous ne pouvez pas choisir les vôtres? Non. Mais je ne suis pas ici pour vous expliquer mon âme. Vous me demandez ce que je peux faire, je sais conduire un avion, laver mon linge, tricher aux cartes, fabriquer de l'alcool avec n'importe quoi. Je parle l'arabe et l'américain. Ah, parfait. Je suis aussi licencié en droit. C'est d'ailleurs ce qui m'a perdu. Ah bon? Vous connaissiez trop mal le code? Je le connaissais trop bien. Et alors? Ah, j'ai voulu en profiter. Vous n'êtes donc pas honnête? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de document officiel qui prouve que vous n'êtes pas honnête. Ah non, rassurez-vous, j'ai eu des malheurs, mais j'ai pas eu d'ennuis. Non, parce que vous me faites un peu peur. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas que vous me faites peur? Non. Je suis exactement l'homme qu'il vous faut. Il n'y a rien à perdre. J'ai pas beaucoup de scrupules. C'est ce que vous demandiez, n'est-ce pas? En outre, et c'est là le principal, j'adore les enfants. Pardon? Je dis j'adore les enfants. Ben oui, alors? Ben, je pensais qu'on avait peut-être besoin d'un père. Pour avoir l'âme aussi basse, j'espère que vous avez eu au moins l'excuse d'avoir été très malheureux. Pardon? Non, là... La mission, la tâche, enfin la besogne dont je vais vous charger est beaucoup plus difficile. Il ne suffira pas de donner à un enfant un nom dont vous ne savez plus que faire. Vous n'aurez pas seulement à me défendre moi, mais aussi à vous défendre vous. Tant mieux. Ah, vous n'avez pas peur? Je vous autorise à me vexer, j'étais très bête tout à l'heure. Vous n'aurez pas peur? Non. Les gens sans scrupules ne sont pas souvent courageux. Mais tant que je sois courageux à cause des quelques scrupules qui me restent. Même contre quelqu'un de puissant? Oui. Contre quelqu'un de très puissant? Rien égale tout. C'est vrai. Alors, je fais l'affaire? Attendez. Est-ce que... vous savez porter le smoking ou l'habit? Vous avez peur que j'ai l'air d'un maître d'hôtel? Non, mais... Non, croyez-moi, personne ne me demandera jamais de lui passer un plat. Même si avec mon habit, je mettais une cravate noire. Non? Personne, jamais. Quel est votre nom? François, naturellement. Oui, mais votre nom tout entier. François Dominique. On m'appelle aussi Domino. Domino? Oui, en Afrique, on m'appelait même Double Blanc. Ça veut pas dire grand-chose? Ah ben si, dans un pays où il y a surtout des Noirs. Je m'appelle Laurette. Laurette comment? Dans notre affaire, pour vous, je ne dois être qu'un prénom. Ne croyez surtout pas que j'ai peur de vous dire mon nom, vous le saurez toujours un jour ou l'autre. Bien. Maintenant, je vous connais assez pour savoir que vous ne vous en servirez pas. Merci. Vous n'êtes pas homme à profiter de l'embarras d'une femme. C'est un embarras seulement? Oh, je trouvais prétentieux de parler de ma détresse. Embarras ou détresse, vous pouvez compter sur moi. Ne vous engagez pas trop vite. J'ai jamais su parler d'argent avec les femmes. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vous paierai. Ah, bah, j'aime mieux ça. Qui me paiera, alors? Bien, l'homme à qui vous allez rendre service. Ah, ce n'est pas vous qui avez besoin de moi? Si, si, moi aussi. Mais lui, plus que moi. Ah. Enfin, je comprendrai peut-être tout à l'heure. Certainement. Bon, pardon, ceci ne me regarde pas, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais il y a un homme dans l'affaire et il vous a laissé vous débrouiller avec nous. Bien. Je vous ai dit aussi qu'il y avait du danger. Ah oui, c'est vrai, le danger, oui. Quel danger? Ah, ça, je ne sais pas exactement. Pour ça, c'est un peu ennuyeux. Ça. Pensez tout de même pas que ce soit le danger définitif. Oh non, je ne crois pas. Ah, tout de même. Oh non, si je pensais qu'il devait vous tuer, je ne vous aurais pas fait venir. Allons, tant mieux. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il vous tuerait. Oui, bien. Surtout vous, un inconnu. Ah, parce qu'il ne tue que les gens qui lui ont été présentés. Non, mais ça, ses réactions seront terribles, il faut vous y attendre. Mais sa colère tombera dès qu'il verra qu'il ne vous connaît pas. Bien, mais puisqu'il ne me tue pas, qu'est-ce que je risque exactement? Je ne sais pas. Des coups, peut-être. Des coups? Il va me flanquer des coups? C'est possible. Bon, ben, va pour les coups. Mais je pourrais les rendre. Ah non, ah non, ah non, justement. Oh, mais alors, va falloir m'augmenter sérieusement. C'est dommage qu'on ne se batte plus en duel, vous voyez, c'était la solution rêvée. Oui, pour en revenir au coup, je vous avoue que j'ai peur de mes réflexes. J'ai tellement l'habitude de rendre ce que je reçois. Je suis chargée de vous offrir 15 000 francs pour ne pas avoir de réflexes. 15 000 francs? Oui, vous serez logé, habillé, disons presque nourri, aux frais du monsieur dont je vous ai parlé. Bien. Et si vous êtes habile, je ne pense pas que vous ayez pour plus d'un mois de travail. Un mois de coup? Non, un mois avant d'en arriver au coup. Ah, parce que les coups terminent le travail? Oui. Le travail sans les coups, ça n'est plus rien. Non, non, non, j'ai pas dit ça. Vous feriez peut-être mieux de m'expliquer carrément la chose, parce que je comprends presque rien. Asseyez-vous. Merci. Il y a longtemps que j'attendais cette petite phrase. Quoi? Je savais bien que je n'avais pas votre confiance tant que vous ne m'auriez pas dit de m'asseoir. Bien, nous allons prendre le thé. Le thé? Oui. Vous aurez beaucoup à prendre le thé si vous acceptez l'affaire. Tiens, tiens. Le thé, Fernande. Pardon, madame? Le thé, servez-nous le thé. Le thé, hein? Bien, madame. Oh, vous apporterez quelques fruits aussi? Des pêches. Cigarette? Tout alors. Pardon, merci. Ce que j'ai à vous dire est très difficile. Je vais vous le raconter comme si vous étiez un ami. Ah, ce n'est pas bête, ça. Voilà, je suis mariée. Lait ou citron? Rhum, merci. Depuis longtemps? Non, 14 mois. J'aime beaucoup mon mari. Je crois qu'il m'aime. C'est d'ailleurs parce qu'il m'aime que j'ai besoin de vous. Je m'en doutais. Matière colorante, vous avez peut-être entendu parler de lui, Heller. Heller, non. Il emploie plus de 5000 ouvriers sous ses ordres. C'est un homme remarquable. Tous les plus grands manieurs d'argent de France sont obligés de compter avec lui. Malheureusement, si j'ai bien compris, dans notre affaire, ça n'est pas lui qui fait. Il n'emploie pas seulement des ouvriers sous ses ordres, mais des centaines de petits teinturiers qui n'existent que par lui et à cause de lui. Je ne vois pas très bien la nécessité de m'expliquer tout ça. Vous allez comprendre. L'autre est de cela. C'est un petit teinturier? Oh non, mais il est riche. Il est très riche aussi. Ah. Il a trois usines très importantes à Lyon. Mais si mon mari le veut, du jour au lendemain, il sera ruiné. Ah, ruiné, ruiné. On ne ruine pas comme ça un homme qui a trois usines. Je ne peux pas très bien vous expliquer comment. Mais si vous aviez vu son inquiétude, vous seriez persuadé que mon mari peut le ruiner. Il le peut, soit, mais rien ne prouve qu'il le veuille. Si. Il a trouvé une lettre. Ah! N'en tirez pas de commentaires. Je n'ai pas trompé mon mari, je l'aime beaucoup, je vous l'ai dit. Et depuis que nous sommes mariés, je n'ai rien à me reprocher. Alors? Avant. Avant, j'aimais quelqu'un comme une folle. Comme je n'aimerais peut-être jamais. Et tellement que j'ai eu la sottise de garder une des lettres qu'il m'a fait envoyer. Pourquoi? Oh, est-ce que je sais? Quand on est jeune, on ne choisit pas très bien, et moi je n'avais pas très bien choisi. Mais peut-être à cause de tout ce qu'elle représentait pour moi, de ma jeunesse, de mes rêves, enfin. Et alors? Eh bien, depuis, mon mari est comme fou. Pourquoi? Vous avez aimé quelqu'un avant de le connaître, son amour propre est sauf. C'est à cause de la signature. Ah, la lettre était signée. Oui. Et même du nom de son meilleur ami. François. Oui. C'est pourquoi l'annonce exige qu'on s'appelle François. Oui. Mon mari s'imagine que depuis notre mariage, cet amour continue. Mais ça n'est pas vrai. Oh non, alors? Eh ben, il faut le lui dire. Oh, allez faire comprendre cela à un jaloux. Ouais. Je vais essayer de résumer. Vous me direz si j'ai bien compris. Votre mari trouve avant-hier une lettre d'amour qui vous était adressée il y a 2 ans par un nommé François. Ce François, qui est son ami intime, vit tous les jours à côté de vous. Par vengeance et à tout hasard, votre mari a résolu de ruiner François. Oui. François n'est pas content et veut payer quelqu'un 15 000 francs pour prendre sa place. Voilà. À partir de maintenant, je vais être le François que vous avez aimé. Oui. Je vais être celui qui va détourner la colère de votre mari et protéger les 3 usines lyonnaises. Voilà. Je vais être celui qui va recevoir des coups dans 1 mois. Ah, peut-être. Mais vous faites pourquoi dans 1 mois? Mais il est tellement persuadé que c'est l'autre François que j'aime qu'il faudrait un certain temps pour être jaloux de vous. Bien. Bon, alors, quel sera exactement mon rôle? Bien, alors, vous êtes François Dominique. Oui. Un ami d'enfance à moi avec lequel j'ai beaucoup flirté jadis. Je ne voulais pas vous épouser, sans doute, alors vous êtes parti. On ne sait pas très bien pour où. L'Afrique? J'en viens. Si vous voulez. Alors, vous revenez parce que vous m'aimez encore. Ah, je vous aime encore. Oui. Vous venez voir si je suis heureuse. Vous constatez que je le suis. Et vous repartez le cœur déchiré. Le cœur déchiré. Ah, il faudra être désespéré. Il faudra que votre vie paraisse finie. Entendu. Et votre mari croira toute cette histoire? Naturellement. Il ne sait rien de votre jeunesse? Non, je l'ai connu 3 mois avant de l'épouser. Donc, à partir de maintenant, je vous aime. Oui. Sans espoir, c'est entendu, mais je vous aime. Oui, oui. Et j'ai le droit de vous le dire. J'en ai même le devoir, parce que si je ne vous le disais pas, ça paraîtrait un peu extraordinaire. Mais vous le direz quand cela sera nécessaire. Ça me donne tout de même quelques droits d'avoir passé 2 ans dans la brousse à cause de vous. Un peu de calme, je vous prie. J'ai su prouver que je vous trouvais jolie, alors je peux vous le dire maintenant. Oui, mais vous allez même être payé pour le faire, et pour le faire bien. Je suis payé pour vous trouver jolie. C'est le plus beau métier du monde. Le malheur est que je ne puisse vous le dire que parce que je suis payé. Ah, certainement. Quelqu'un a été aimé de vous et il cède cet honneur et ce danger à un autre. Eh ben, il me dégoûte trop, vous lui demanderez 5 000 francs de plus. Non, ça n'y comptait pas. Bon, alors dites-moi pourquoi vous m'avez envoyé en Afrique. Je ne sais pas, vous direz que je ne vous aimais plus, que vous m'aviez découragé de vous. Oui. Vous n'étiez pas heureuse avec moi? Non, je n'étais pas heureuse. Une autre femme? Je ne sais pas, tout s'est terminé bêtement, presque sans chagrin pour l'un ni pour l'autre. Ah, parlez pour vous. Vous ne savez rien de mon chagrin à moi. Oh, c'est vrai, pardon. Le soir, devant ma case, avec le phoneau qui jouait les airs que nous avions aimés ensemble, le silence du désert derrière, le désert de mon passé devant. Je n'avais que mon chagrin pour compagnon. Oh, c'est parfait, admirable. Non, j'espère seulement que vous n'aurez pas trop à souffrir dans votre amour propre de m'avoir aimé. Je comprends maintenant pourquoi vous demandiez quelqu'un de bien élevé, joli garçon, si possible. N'est-ce pas? Joli garçon, ça, je regrette de ne pas pouvoir faire mieux. Mais avouez que je me suis assez bien tiré de votre piège de la pêche. De la pêche? Oui. Vous saviez bien que rien n'est plus périlleux que de peler convenablement une pêche. Avouez que je m'en suis bien tiré. Tellement bien que vous n'avez même pas remarqué que je l'appelais. Remarquez que si je n'avais pas su m'en tirer, il me restait la ressource de dire que je ne les aimais pas. Bien. Bien, monsieur Crémone vous versera 5 000 francs. Vous les emploierez à vous constituer une garde-robe, 2 costumes de ville, 1 smoking. C'est suffisant? Bien entendu, ce n'a aucun rapport avec les 15 000 francs que vous toucherez par la suite. Bien entendu. Voilà, déjà, monsieur Crémone et moi vous donnerons chaque jour des instructions nouvelles. Mais j'ai besoin d'avoir tout de suite quelques informations complémentaires. Mais lesquelles? Ben, j'ai besoin de savoir où, quand, comment je vous ai aimé. Oh, je le demanderai à monsieur Crémone. C'est que j'ai bien peur qu'il ne s'en souvienne plus. C'est très possible. Alors voilà. La première fois qu'il m'a déclaré son amour, c'était à un bal. À l'ambassade d'Angleterre. D'Angleterre. Quelle date exactement? En novembre. Il y a 4 ans. Ouais, début novembre? Oui, le 5 ou le 6. Il m'a embrassée pour la première fois le 28. Vingt-deux jours après? C'est à Versailles. Dans le parc. Vous voyez? Oh, très bien, oui. Versailles, parc, feuilles qui tombent, crépuscule peut-être. C'est très joli. Excusez auprès de nos amis et venir une seconde. Bah, mon chéri... Veux-tu, s'il te plaît, t'excuser auprès de nos amis et venir une seconde? C'est lui, hein? C'est Crémone. On va recommencer? Je t'ai regardé rire avec lui pendant que Dominique racontait ses histoires d'Afrique. C'est clair. Je ris simplement parce que je l'ai trouvé drôle. Allons donc, il y avait un air de complicité entre vous. Je t'assure que non. C'est de lui la lettre, hein? Non. C'est lui, François. Quand cesseras-tu de te tourmenter à propos de cette chose morte, finie? Fini. Avec lui, tous les jours près de Mais toi. Mais puisque ce n'est pas lui. C'est son idiote de femme toujours partie. Jacques. Elle est au sport d'hiver, hein, maintenant. Dans un mois, elle sera sur la Côte d'Azur, juste avant son séjour en Angleterre. Et il faut que moi, je sois trompé par ce cocu. Je reviendrai quand tu seras plus maître de toi. As-tu un père plaisir de rester ici? Jacques, depuis que nous sommes mariés, tu sais à quel point je suis avec toi, près de toi. Tu sais ce que je fais heure par heure. Qu'est-ce que ça prouve? Puisque Crémone est là aussi. Il passe son temps à parler de ses affaires avec toi. Ses affaires? Mais il va voir ce que je vais en laisser de ses affaires. C'est trop injuste. François ne doit pas être la victime de tes soupçons. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? Donne-moi son nom. S'il ne te voit plus depuis que nous sommes mariés, je te donne ma parole de ne rien faire contre lui. Ouais, tu dis ça. La parole d'Hélène vaut quelque chose, même pour sa femme, non? Je ne peux pas. Alors donne-moi seulement ta parole à toi, que tu ne l'as pas revue depuis que nous sommes mariés, et nous ne reparlerons plus de cette lettre. Ce qui t'importe, en somme, ce n'est pas que j'ai aimé quelqu'un, c'est que tu n'aies pas été trompé. C'est que Heller, le grand Heller, ne soit pas ridicule. Eh oui, excuse-moi. Parce que ce n'est pas du chagrin que des blessures d'amour propre. Oh non, mais dis donc, c'est ça, engueule-moi maintenant. Non, mais tu es très injuste. Me donnes-tu ta parole que tu n'as pas revu cet homme? Il y a quelques jours, j'aurais presque pu te la donner. Non. Quoi? Non, enfin rien, rien, j'ai rien dit. Presque? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire avec ce presque? Mais je ne veux rien dire. Enfin, tu l'as revu ou tu ne l'as pas revu, il n'est pas question de presque. Tu voyais François en même temps que moi? Et c'est ce que tu appelles ne presque pas le revoir? Mais non! Tandis que depuis quelques jours, tu l'as revu vraiment, ce qui s'appelle revu. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oh, mais tu ne cherches pas la vérité, tu attends seulement que mes paroles confirment ton idée fixe. Soit je reprends ta phrase, tu aurais pu me donner ta parole il y a quelques jours et tu ne peux plus maintenant. Non, je n'ai pas dit ça. Alors tu ne sais plus ce que tu dis. Pour te convaincre que François Crémone est innocent, il me faudrait une preuve. Or, cette preuve, je ne l'ai pas. D'ailleurs, à quoi bon? Puisque tu as décidé que c'était Crémone, le signataire de la lettre. Quel qu'il soit, je le briserai. Tu m'entends? Je le briserai! Qui allez-vous briser? Vous parliez de briser quelqu'un. Il ne sait pas encore qui. Ah! Il ne sait pas encore qui. C'est beaucoup plus amusant. Je le sais parfaitement, mais ma femme prétend que j'ai tort. Ah ben c'est encore mieux. Vous vous dites le soir après le dîner, tiens, je vais briser celui-là, et votre femme vous répond, non, tu ferais mieux d'en prendre un autre. J'aimerais beaucoup jouer à ça avec vous. Il arrivera à me faire rire. Alors c'est parce que vous ne pouvez pas briser qui vous voulez que vous n'êtes pas content. C'est drôle. Eh ben moi je suis très content. Votre dîner était parfait. Ah si, si, si, si, si, si, si. Il n'y a encore que la cuisine européenne. Oui, je crois, hein. Ah, ça me change de dîner de... Vous venez, Laurette? Eh non, j'ai encore quelques mots à dire à ma femme. Ah, c'est juste. Vous n'avez pas encore choisi le brisé. Est-ce qu'il y a un journal dans la maison? Oui. Oui, mais pourquoi? C'est à cause de leur manque de conversation. Ah oui? Oui. Et puis, je vais vous dire une bonne chose. J'estime qu'on ne lit jamais assez les journaux. Pardon. À tout de suite. À tout de suite, oui. Il est charmant. Ouais, il est charmant. Ça, je m'y attendais. Depuis qu'il est venu hier déjeuner avec nous, tu t'es littéralement toqué de lui. De quoi te plains-tu? C'est toi qui me l'as présenté. Eh bien, si j'avais su. Eh bien, c'est un garçon un peu bizarre, mais très amusant. Il me plaît beaucoup. En tout cas, tu aurais pu te dispenser de l'installer ici. Pourquoi? J'ajoute qu'il a accepté avec un empressement un peu pénible. Je ne comprends pas très bien à quoi rime cette sortie contre quelqu'un qui est ton ami d'enfance. Quelle sortie? Mais désagréable que tu te jettes à la tête de ce garçon, c'est tout? Oh, ne sais pas d'amorcer un autre sujet de conversation, hein. Dominique m'est très sympathique et je serais reconnaissant d'être aimable avec lui. Ah, je te dois de la reconnaissance en plus? Enfin, si tu ne l'aimais pas, quel besoin avais-tu de l'inviter à déjeuner? Mais il s'est invité! C'est le moyen de refuser quelqu'un qui a passé 2 ans en Afrique. Qu'est-ce qui t'a fait? Mais il m'a rien fait! Raymond non plus ne peut pas le souffrir. Non, mais dis donc, c'est pas bon être votre ami d'enfance. Oh, j'exagère. Il est certainement d'une excellente famille. Mais oui, je t'ai dit qu'il avait été au collège avec Raymond. Évidemment, ses manières sont un peu brusques. Mais quoi qu'il en soit, extraordinairement bien élevé. As-tu remarqué la manière dont il a pelé sa pêche au dîner? Dans mon affaire contre Verdi, il m'a donné des conseils admirables. Il connaît le code comme personne. Ah, ça, je crois, oui. La teinturerie aussi. Oh, il est très fort. Oh, tu peux prendre ton air spirituel. Hein. Dominique restera ici aussi longtemps qu'il lui plaira. Sais-tu que ton nouvel ami s'appelle François, lui aussi? Quoi? Et Dominique s'appelle François Dominique. Et alors? Et rien, c'est tout. Tu as 2 François maintenant. C'est lui qui a écrit la lettre? Non, mais je n'ai pas dit ça seulement. Il s'appelle François aussi. J'en suis sûr maintenant, c'est lui. Oh, bah, tes certitudes te viennent vite. Oh, tu as eu un mot malheureux, ma petite fille. Un mot vraiment maladroit pour quelqu'un d'aussi adroit que toi. Seulement, ceci va se passer très mal. Mais tout de même, lui faire comprendre, petit monsieur, qu'on ne se fout pas des lèvres à ce point-là. Mais je peux dire un mot? Oh non, c'est pas la peine, j'ai compris. Ah, vous revenez d'Afrique pour faire joli cœur. Eh bien, ça vous coûtera cher, mon bonhomme. Je vous ruinerai. Ça, si tu peux. Quelle que soit sa fortune, j'aurai sa peau. J'en ferai un purotin de ton Dominique. Tu crois? Avant un mois, il cherchera un emploi dans les annonces des journaux. Ça, c'est bien possible. Raymond, veux-tu venir une seconde, s'il te plaît? Mais pourquoi veux-tu Raymond? Pour lui demander quelques renseignements sur son petit copain. Mais il ne sait rien de plus que moi, je t'assure. Peut-être, mais il n'est pas si malin que toi. Il m'apprendra sans doute des choses. Jacques, tu vas faire un scandale inutile. Rassure-toi, je ne ferai rien avant d'être sûr. Et c'est pourquoi Raymond me sera très utile. Eh bien, Raymond. Voilà. Pourquoi vous a-t-on dérangé, Christiane? Je ne sais pas, c'est François qui m'a dit que vous nous appeliez. Toi? Ben oui, t'as dit, tiens, man, voulez-vous venir une seconde? Alors, on est venu. Je t'avais demandé, toi, tout seul. Ah, tu vois, ça m'étonnait aussi. C'est drôle, toutes les fois que je veux te parler, tu amènes quelqu'un. Moi? Oui, toi. Tantôt c'est Laurette, tantôt c'est Christiane, tantôt c'est ton secrétaire. Depuis quelque temps, tu n'aimes pas beaucoup me rencontrer seul à seul. Oh, pourquoi? C'est ridicule. Mais alors, en tout cas, si j'ai bien compris, je suis de trempe. Je vous demanderai de m'excuser 10 minutes. Ah. 10 minutes? Oui. Vous m'excusez, Christiane? Oh, mais bien sûr. Ah, Christiane. Bonjour. Est-ce que vous avez connu Dominique avant son départ pour l'Afrique? Dominique? Eh oui, ma question est claire. Je vous demande si vous avez connu Dominique, notre invité de ce soir, celui qui est dans le fumoir, il y a 2 ans avant qu'il quitte la France. Mais bien sûr. Ah! Vous avez bien vu qu'en arrivant ce soir, je l'ai salué tout de suite. En effet. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai peut-être rencontré 5 ou 6 fois. Seulement. Peut-être 6 ou 7 fois. Merci. Oh, bah, d'ailleurs, c'était un ami de François et de Laurette, alors nécessairement. Je vous remercie. Je peux partir. Savez-vous s'il est riche? Ah, moi, je peux répondre à ça. Toi, tout à l'heure. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. J'ai lu le journal. J'ai regardé le paysage. J'avoue que je me sens un peu seul. Vous pourriez pas m'envoyer quelqu'un? Christiane allait justement vous rejoindre. Parfait. Oh, mais dites-moi, cher ami, vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trouvé celui qu'il doit briser. Justement, oui. Voilà qui est amusant. J'espère que vous me ferez savoir qui quand ce sera fait. Vous venez, Christiane? Oui. Assieds-toi. Ah, ce sera long. J'en ai peur, oui. Tu t'écoutes? Tu peux aller rejoindre Christiane. Non, je préfère rester ici. Si tu veux, mais je te prierai de n'intervenir que lorsque Crémone ou moi te le demanderont. Ah, mais parfaitement. Ah, ben, tu t'es décidé à m'appeler Crémone maintenant? Oui. Et je ne te conseille pas de me rappeler ton autre nom. Bien, bien. Alors, tu as connu Dominique? Oh, ben, je pense bien, nous avons été au collège ensemble. Oui. Où? Comment où? Ben oui, où? À Louis-le-Grand ou à Montpellier? À Montpellier. Je croyais qu'il était de Sedan. Eh ben, oui, mais... Moi, je l'ai connu à Montpellier. Qu'est-ce qu'il faisait à Montpellier? Alors, son père s'occupait pas beaucoup de lui, je crois, et il l'avait envoyé chez une tante. Et quand tu as quitté Montpellier, tu ne l'as pas perdu de vue? Si. Ah ben, un peu. Pendant un an ou deux. Parce que moi, j'étais à Louis-le-Grand, puis lui, il était resté... Bien. Et alors? Je l'ai retrouvé un jour au quartier latin et il était venu à Paris pour faire fortune. Ok. Il doutait déjà de rien. Continue. Alors j'ai été très très content de le revoir. C'est qu'il est très gay, hein, très optimiste, comme tu as pu le constater. Je te dispense de tes commentaires. Alors écoute, je te prierai de ne pas en parler sur ce ton-là. Si tu veux faire une affaire avec Dominique, il est normal que tu te renseignes, mais je t'engage à me parler sur un autre ton. Ou alors je m'en vais. François a raison, Jacques. Je te fais mes excuses. Mais je tiens à te dire que je n'ai pas l'intention de faire des affaires avec Dominique. Non, au contraire, je suis décidé à lui casser la figure dans le plus bref délai. Tiens. Oh, ben, pourquoi? Tu le sauras plus tard. Je te serai reconnaissant de ne rien me demander encore. Soit. Assieds-toi. Alors, vous êtes redevenus très amis tout de suite à Paris. Oui, oh, bah, tu sais, rien ne lie davantage que les souvenirs de collège. Je copiais ses compositions et dessinais mes cartes, parce que ce grand voyageur a toujours été nul en géographie. On ne peut pas oublier ça. C'est toi qui l'as présenté à Laurette? Pardon? Je te demande si c'est toi qui l'as présenté à Laurette. Eh ben, je sais, c'est possible. Mais oui, voyons. Un dimanche. Mais vous l'avez amené prendre le thé à la maison. Oui, c'est possible. Je ne me souviens pas. Enfin, comment aurais-je pu le connaître sans cela? Oui, je me souviens maintenant. Il pleuvait. Il pleuvait. Tu te souviens de ça? C'est-à-dire... Tu te souviens à peine que tu l'as présenté, mais tu te souviens qu'il pleuvait. Eh bien, oui, ça peut t'étonner, mais le souvenir de cette présentation est lié pour moi à une grande impression de pluie. Pas possible. Avoue donc plutôt que tu ignorais que Laurette m'avait tout raconté, hein, et que tu ne savais pas ce que tu devais répondre. Je l'avoue. N'importe quel galant homme aurait agi de même, merci François. Oh. Il était amoureux de Laurette. Tu me gênes beaucoup. Réponds. Mais t'es extraordinaire, toi. Je sais pas, ça me regarde pas. Répondez ce que vous croyez être la vérité, François, je vous y autorise. C'est extrêmement délicat. Dis oui ou non, je ne te demande rien d'autre. Bah, on disait, les gens disaient, nos amis avaient l'air de dire en effet qu'il était très amoureux de Laurette. Et ton avis à toi? Je le disais aussi. Bah, il était difficile de ne pas le croire. Hein. Tous les matins, il allait choisir lui-même un bouquet de roses rouges qu'il faisait livrer chez Laurette à 11h, exactement. Semblable à celui que tu as reçu ce matin, sans doute. Parfait. Oh, je t'ai fait de la peine. Non, non, mais pas du tout, mon vieux, pas du tout. Bon. C'est tout ce que tu voulais me dire? Non. François, je te dois des excuses. Depuis plusieurs jours, je me conduis avec toi comme un pignou. Je suis d'une brusquerie inexcusable. Tu dois être furieux et avec raison. Je te trouve un peu nerveux. Un peu n'est pas tout à fait suffisant. Mais je te demande pardon de t'avoir choisi pour Victor. Notre ami a compris, Jacques. Mais oui, j'ai très bien compris. Non, mais je tiens absolument à te faire mes excuses. Pas seulement pour ma mauvaise humeur, mais à cause de ce que j'ai pensé de toi. De moi? Oui. Je t'ai soupçonné. Moi? Mais de quoi, grand Dieu? Tu ne vas pas lui faire part de tes idées ridicules? Non. Mais je tiens absolument à lui faire des excuses. Eh bien, c'est fait. Oui, c'est fait. Merci. Oh, oui. Alors, il lui envoyait des roses rouges tous les matins. Tous les matins. Est-ce qu'il lui écrivait? S'il lui écrivait? Bien oui, puisqu'il t'a dit qu'il lui envoyait des roses rouges, il t'a peut-être dit aussi qu'il lui écrivait. Ah, mais il m'a pas dit qu'il lui envoyait des roses. Alors, comment sais-tu? Oh, puis tu m'embêtes! Mais enfin, comment sais-tu? Eh bien, par sa fleuriste, là, c'était la mienne aussi. Tiens! Pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire? Tu avais peut-être aussi le même facteur. Bah, et alors? Ben, ça t'aurait permis de savoir à qui il envoyait ses lettres. Je te comprends pas. Il s'appelle François, n'est-ce pas? Oui, François Marie. Alors moi, je l'appelais Marie, parce que je trouvais ça plus rigolo. Oh. Oui. Hein? Ah, oh oui, oui. Les lettres qu'il écrivait, il les signait comment? Marie? Oh, bah, non, oui. T'es bête. Peut-être pas tant que tu crois. À ton avis, pourquoi Dominique a-t-il quitté la France? Je ne sais pas exactement, un chagrin, à ce qu'il paraît. D'amour. Oh bah, alors ce qu'il avait, c'est... On peut avoir que des chagrins d'amour. Hein. Je l'aurais parié. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es très intelligente, Laurette, trop intelligente. Laisse-le parler, lui, je le comprends mieux. Comment? Toi, tu me fais croire ce que tu veux. Pas lui. Ah, mais là, je ne veux rien te faire croire. Tu as tout de même eu tort tout à l'heure de m'empêcher de lui faire des excuses. De là à penser qu'il ne les méritait pas. Pardon? De là à penser que tout n'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air, hein, de la pensée que Dominique revient bien à propos avec son chagrin d'amour et ses roses rouges. Vous me comprenez? Alors, pas du tout. J'ai eu raison d'attendre avant de faire du scandale, parce que je n'aurais peut-être pas fait celui qu'il fallait. Tu es fou, Jacques. Je vais t'apprendre quelque chose, Laurette. Les hommes ne savent pas bien mentir. Crémone particulièrement ne sait pas bien mentir. Je l'avoue, je suis la franchise même. Mais ils ont trop d'assurance, ou pas assez. Leurs indignations sont naturelles, mais elles ne viennent pas assez vite. Crémone a protesté contre l'interrogatoire qu'il faisait subir, mais trop tard. Oh, pardon? Trop tard! Parce qu'il avait l'intention de me répondre, parce qu'il savait exactement ce qu'il devait me répondre. Et toi, tu étais là pour veiller au grain. Moi? Je ne lui ai fait des excuses que parce que je savais ce que tu allais dire. J'ai fait aussi plate que possible, parce que je savais que tu ne me laisserais pas m'humilier devant lui si c'était lui, François. Oh, tu recommences. Tout n'est pas très clair encore pour moi, particulièrement le rôle de domino. Mais j'ai la preuve morale et c'est le plus important. Oui, écoutez, mes amis, moi je ne comprends pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Tu ne comprends pas? Rien, surtout à cette histoire d'excuse. Eh bien, tu comprendras toujours assez tôt. Jacques! Quoi? Lis cette lettre. Encore une lettre? Je l'ai trouvée ce matin sous la porte de ma chambre. Lis. Il vous reste encore un peu d'amitié pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute. Oui. Vous ne lui refuserez pas une heure d'entretien. Ça, alors, c'est formidable. Mais c'est bien la même écriture. Tu ne vas pas m'accuser de l'avoir préparée pour toi? Non. Non, mais je m'étonne tout de même que tu me l'aies donnée. Dominique est de taille à se défendre. Tu crois? C'est possible. Préviens Christiane que si elle veut rentrer avec moi, elle doit s'habiller tout de suite. Mais où vas-tu? M'occuper un peu de cette affaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, tout à l'heure les commentaires. Ah bah... Christiane! Voilà, vous arrivez tout de suite, Jacques s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'expliquer, viens me voir demain. Oh, vous voulez bien passer mon écharpe et mon sac de nuit? Oui, volontiers, oui. Il est charmant, le remplaçant. Dommage qu'il n'ait pas de moustache. Oui, qu'est-ce que tu veux, tant pis. Voilà. Oh. Merci, vous. Tu as l'air bouleversé. Et un peu, oui, excuse-moi, ça. Il y a quelqu'un ici qui se moque de moi. Je ne sais pas lequel de vous deux. Tous les deux, peut-être. Jacques. Mais je ne saurais trop conseiller à celui qui s'est cru si malin de prendre garde. Je n'hésiterai pas à lui casser la figure. J'ai un direct du gauche très efficace. D'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Je vous attends, Christiane. Tout de même trouvé un peu trop insolent. Hein. Ben, je vais pas me gêner avec lui, comme je sais qu'il va me flanquer des coups un jour ou l'autre. J'ai bien peur qu'il ne soit plus question de vous en flanquer jamais. Ah bon, ouais. Ben, parce que nous sommes au bord du désastre, il a failli tout deviner il n'y a pas 5 minutes. Oh, vraiment? Vous prenez vraiment Jacques pour un imbécile. Qui, moi? Oh, on ne peut pas mentir plus mal. Bon, comment? Non, mais où en sommes-nous exactement? J'espère qu'il croit encore que c'est vous, mais pour combien de temps, je l'ignore. Ah, mais l'affaire se complique singulièrement. Vous ne m'aviez prévenu ni que notre adversaire était très intelligent, ni que notre associé l'était beaucoup moins. S'il vous plaît. Ça m'amène à changer mes conditions. Quoi? Mais c'est très mal ce que vous faites. Vous savez bien que nous ne pouvons rien contre vous. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire chanter. Si j'échoue, je ne vous demanderai rien. Rien? Rien. Par contre, 30 000 francs si je réussis. le prix d'une voiture. Eh oui. 30 000 francs pour vous parler d'amour. Et pour recevoir peut-être des coups de fusil. C'est normal. Il y a des oiseaux plus chers que des automobiles. Ne perdez pas de temps. En discussion, acceptez, voyons. Bon, c'est entendu. Mais si jamais vous échouez... Hein. Je n'échouerai pas. Vous dites que votre mari s'est douté de quelque chose. Comment avez-vous fait pour le ramener à nouveau à moi? Ah oui, grâce à cela. Cette lettre? Oui. Nous l'avons écrite ce matin, monsieur et moi, signée de votre nom. Nous devions nous en servir qu'après vous l'avoir montrée, mais les événements se sont tellement précipités. J'aimerais tout de même bien savoir ce qu'il y a dans les lettres que j'écris. Et ça nous a permis de gagner quelques heures. J'ai écrit ça, moi? Pas vous, moi. Mais il ne s'agit ni de vous ni de moi. Comment? Ni de vous ni de moi, mais l'homme que madame a aimé ne peut pas avoir écrit une lettre pareille. Et pourquoi? Comment il la revoit après 2 ans d'absence? 2 ans de désespoir et de regret, il ne trouve rien d'autre à dire que ce communiqué. Oh, oh bah vous exagérez! Chaque mot est ridicule et faux. S'il vous reste un peu d'amitié, parlez d'amitié là où il y a eu de l'amour. Pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute. Si j'avais eu l'honneur de vivre 2 ans en Afrique pour vous, pensez-vous que j'aurais la bassesse de vous en accuser? Et de m'en servir pour arriver jusqu'à vous? 2 années de ma vie valent mieux qu'une lettre d'introduction. C'est vrai. D'ailleurs, je ne vous autorise pas à vous servir aussi bêtement de mon Afrique. Ah, vous permettez? Oui, mais le dernier mot est le pire. Vous ne lui refuserez pas 1 heure d'entretien. 1 heure d'entretien. Pour discuter du meilleur roman de l'année, n'est-ce pas? Quand toute sa vie est en jeu, on ne demande pas d'entretien. Il ne demande pas d'entretien. Il se fout d'avoir un entretien avec elle. Il veut 1 heure de sa vie. 1 heure pendant laquelle elle l'écoutera. 1 heure pendant laquelle il aura le droit de lui dire avant de partir pour toujours qu'il l'aime encore mais qu'il est joyeux de la savoir heureuse. 1 heure que 2 ans de chagrin lui ont bien gagné. Il a raison. Votre mari n'est pas si intelligent que vous le dites. Moi, j'aurais compris tout de suite que cette lettre était fausse. Croyez-vous? Et quelle opinion avez-vous donc de l'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre pour avoir pu vous en contenter? Ça, nous pouvons guère être fiers de notre amour. Quoi? Pourquoi? C'était pas si mal. Oh, c'était un amour comme un autre. Laurette, vous vous trompez. Le soir de Versailles, n'a-t-on pas trouvé grâce devant vous? Oh, parlons-en. Nous avons traîné toute la journée dans la ville. À 3 heures, il s'était mis à pleuvoir tellement. Nous sommes réfugiés dans un musée. Il ne savait absolument pas quoi me dire. Il m'a raconté, je crois, le règne de Louis XIV. Alors à la fin, exaspéré, dans la brune et dans la boue, je l'ai laissé m'embrasser pour sauver le souvenir de ce jour-là. Vous êtes injuste, Laurette. Oui, trouverez-vous quelque chose pour embellir les rendez-vous qu'il me donnait dans le petit café de l'école militaire? Oh, Laurette, il était charmant, ce petit café. Oh. Un peu triste et désert, mais c'est vous qui l'aviez voulu ainsi. Le patron, le père Adolphe, vous aimait bien. Vous le trouviez un peu vulgaire et familier les premières fois, mais le jour de la rupture, vous n'avez tout de même pas osé lui dire que vous ne viendriez plus jamais, tant que vous aviez peur de lui faire de la peine. C'est vrai, père Adolphe, je me souviens. Il s'appelait d'ailleurs pas Adolphe. Tous les souvenirs d'amour sont de beaux souvenirs, croyez-moi. Même s'ils sont mauvais, même s'ils sont cruels. Oh, mais les miens ne sont ni cruels ni mauvais, ils sont ternes. C'est bien pire. Alors. J'ai compris bien des choses depuis qu'il m'a quittée. Nous n'avons pas rompu, faute de sentiments, l'un pour l'autre, mais parce qu'il avait l'occasion d'épouser quelques usines de la banlieue lyonnaise. Voyons. Voilà l'homme que j'ai aimé. Ce n'est pas vrai. Si. Je n'ai pas été ce pied plat et cette crapule. Ah, je vous assure que si. Laurette, je n'ai pas pu être si affreux, vous ne m'auriez pas aimé. Mais ce que je savais, moi. En défendant l'homme que j'ai été, c'est vous, Laurette, que je défends. Bravo. Si votre passé avait été si misérable, vous n'auriez pas risqué votre bonheur présent pour conserver ma dernière lettre. Oh, mon Dieu, pourquoi l'ai-je gardée? Ah, ce qui est certain, c'est que vous l'avez gardée. Que Jacques a sûrement tout deviné, que nous sommes probablement perdus. Je vous sauverai. Au nom de ce qui était votre amour pour moi, je vous sauverai. Il est trop tard maintenant, que pouvons-nous faire? J'ai une idée. Je ne crois pas. Vous allez partir. Qui? Vous? Mais où partir? Comment partir? Pourquoi partir? Pour où vous voudrez, mais définitivement. Mais comprenez donc, en partant, vous fixez tous les soupçons sur vous. Vous partez parce que vous avez vu que votre présence troublait la vie de Laurette et que vous avez compris qu'elle ne vous aimait plus. Ah, il a peut-être raison, hein? Au besoin, vous laissez une petite lettre explicative. Non. Il y a déjà eu assez de lettres comme ça dans cette affaire, votre idée ne vaut rien. Mais dites donc, dans votre contrat, vous vous êtes bien engagé à partir sur notre ordre. Eh bien, qu'on brise ce contrat. 30 000 francs, c'est quelque chose tout de même. Songez-y, Dominique. Ni 30 000, ni 15 000. J'aime mieux perdre tout cet argent. Avec 30 000 francs, vous pouvez vous refaire une vie, hein. Enfin, songez à votre avenir. Je n'ai pas d'avenir. Les gens comme moi n'ont pas d'avenir. Par contre, j'ai deux passés. Comment ? Et je me dois à l'un comme à l'autre. L'homme que Laurette a aimé ne s'en ira pas comme un domestique parce qu'on a vaguement parlé de lui flanquer des coups. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour moi, dans le journal de ce soir, il y a déjà une annonce très intéressante. Vous n'êtes pas parti. Bien, alors, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas. Ah. Comment, vous ne savez pas ? Non, il faut réfléchir. Réfléchir, on n'a plus le temps de réfléchir. J'ai connu un chasseur de fauves. Il m'a appris que même lorsqu'on avait un tigre à 10 pas devant soi, il fallait prendre le temps de réfléchir. Réfléchissons. Avec un amour comme celui que j'ai pour vous, il n'est pas possible que je m'en aille. C'est entendu. Et après ? Vous m'avez dit, souvenez-vous-en, vous vous en irez quand vous aurez constaté que je suis heureuse. Oui, eh bien. Psychologiquement, ça ne tient pas. Je vous aime trop pour croire que vous êtes heureuse. Je ne crois pas que vous êtes heureuse. Vous n'êtes pas faite pour ce petit bonheur monotone. Vous aimez beaucoup votre mari, mais vous avez besoin de sa confiance. Le sentiment que vous avez l'un pour l'autre est calme, peut-être doux, ça n'est pas de l'amour. Que voulez-vous dire ? Ce qui est logique, c'est que je vous demande de partir avec moi. Vous parlez sérieusement ? Très sérieusement. La seule chose normale, la seule chose qu'il croira, c'est que je vous offre ma vie de hasard et d'aventure. Cette... entretien que je vous ai demandé. J'ai pu vous le demander que pour ça. Il a raison. Comment il a raison ? Mais oui, il vous demande de partir avec lui. Il vous prie, il vous supplie. Au beau milieu de ses supplications, Jacques arrive. Il entend tout, il le flanque dehors et puis voilà. Ah, c'est ce que vous vouliez dire ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, moi je trouve votre idée admirable. Moi aussi. Bien. Alors, comment faire surprendre notre entrevue ? Ah oui, comment ? Oui, et où aura-t-elle lieu d'abord ? Eh bien, mais ici. Ici ? Mais oui, ici, avec la galerie, c'est très pratique. Ah, peut-être. Voilà que votre mari arrive par cette galerie, il sort de sa chambre, c'est très normal. Mais comment le faire sortir de sa chambre ? Ça, c'est le travail de monsieur. Ah bon, c'est moi qui... Ah oui. Ah oui, à l'heure que nous aurons convenu, il le fera sortir. Oui, mais qu'est-ce que je lui dirai? N'importe quel prétexte sera bon. Car quand il aura vu ce que nous lui ferons voir, il aura oublié le prétexte. Oh, vrai. Hein? Beaucoup, Jacques. Est-ce que nous essayons une fois? Oui, faudrait mieux. Alors, voulez-vous monter? Ah, il faut que je monte. Ah oui? Vous allez jouer le rôle du mari? C'est nécessaire? Absolument nécessaire. Très désagréable. Hein? Plus haut. Non, plus haut, allez jusqu'à la porte. Bah oui, jusqu'à la porte. Oui, bah j'y suis. Bon, alors maintenant vous allez sortir. Hein, sortir. Oui, et tout de suite après, vous ouvrirez négligemment la porte, comme il l'ouvrira lui. Négligemment. Oui. Vous avez compris? Eh ben, sortez. J'écrirai plus jamais. Vous. Approchez de moi, je demande pardon. Alors, Zoom ? Alors, Zoom ? Allez-y ! Laurette, j'ai essayé de vous oublier, j'ai pas pu. Vous nous voyez bien où vous êtes ? Très bien. Je vous aime, Laurette. Je vous adore. Vous entendez bien là-haut? Oh, j'entends très bien. Voulez-vous partir, Laurette? Évidemment, la vie que je vous offre est pleine d'incertitudes. Mais avec la force que me donnera votre amour, je nous ferai une fortune. Partez avec moi. Non. Non, non, non. Il faut le dire mieux que ça. Vous protestez si mollement, on dirait que mon idée vous amuse. Je protesterai mieux, soyez tranquille. Laurette, il faut partir. Dites, vous croyez pas que j'aurais déjà dit quelque chose, moi? Et la stupeur? Vous comptez sans la stupeur? C'est vrai. Hein? Et puis, il faut que j'aie le temps de descendre l'escalier. Bon, alors je continue. Je vous aime, Laurette. Et je vous le prouverai. Avec vous, rien ne me sera plus jamais difficile. Ça va? Ça va. Alors, parfait. Cachemire. Oui, hein? On voit qu'il vous coûte pas cher. Non. Alors, il paraît qu'il y a du nouveau, c'est vrai? Oui, la grève est terminée. Le travail reprendra demain. L'accord a été conclu. Laurette. Madame Heller m'a dit que son mari avait parlé au gréviste. Oui, il leur a fait tout un long discours assez adroit et même assez émouvant. Ça ne doit pas être commode d'émouvoir des ouvriers surexcités par 20 jours de grève. Eh, ben, il est parvenu tout de même. Heller est malin et il a du cran. Tant que ça? Oui. Vous allez vous en apercevoir. Ah. Maintenant, il va enfin pouvoir s'intéresser à sa vie de famille. À Laurette, à vous, à moi. Ouais, ouais. Ça paraît vous contrarier. Moi, non. Pensez tout de même pas que cette grève allait durer toujours. Je ne le pensais pas, mais je l'espérais. Ah. On va vous voir à l'œuvre. Eh oui. Ce ne sera pas trop tôt, hein. Depuis 20 jours que je vous paye à ne rien faire. Ah pardon, si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est moi. Nous avons traité à forfait, alors que je reste 6 jours ou 6 mois, je ne toucherai pas un sou de plus. Ah ça, vous pouvez en être sûr. D'ailleurs, j'ai la prétention d'avoir fait consciencieusement le travail pour lequel je suis payé. Ça, oui. Vous m'avez engagé pour me faire surprendre avec Mme Meller par son mari. Je suis venu tous les jours, très régulièrement, dans ce but. C'est pas ma faute si j'ai pas réussi. J'en suis moins sûr. J'ai lancé à Mme Meller de regards très amoureux, très tendres, très expressifs, que son mari a surpris. Mais alors, comment expliquez-vous qu'il n'ait pas agi? Parce que de votre côté, vous en avez lancé aussi. Et tellement amoureux, tellement expressif que ce pauvre monsieur Heller ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. Vous allez dire que c'est de ma faute. Je ne répondrai pas à cette question. D'ailleurs, je m'en suis pas tenu au regard. Ah non? Non, j'ai essayé aussi de serrer furtivement la main de Madame Heller. De lui serrer la main? Oui, ostensiblement, oui, pour que son mari le voie. Mais notre charmante associée a manqué de sang-froid. Elle a retiré sa main. C'est pour cette raison, je pense, qu'il ne s'en est pas inquiété. Je pense aussi. D'ailleurs, comment inquiéter réellement un homme qu'on ne voit pas plus de 10 minutes par jour? Car pendant toute cette grève, nous ne l'avons jamais vu plus de 10 minutes. Malheureusement. Pendant nos heures de loisirs, nous avons peut-être répété 20 fois la scène qu'il doit surprendre. Nous la savons admirablement. Manque plus que lui. Vous avez répété? Oui, nous avons même à peu près prévu toutes les questions qu'il pourrait nous faire et j'ai trouvé des réparties assez amusantes pour à peu près toutes. Mais maintenant, nous avons absolument besoin de lui. Bah, oui, n'est-ce pas? Il n'avait pas l'esprit à ça, que voulez-vous? Cette grève l'a absolument accaparé. Mais maintenant qu'il a triomphé de ses ouvriers, je suis à peu près sûr, comme vous, que sa première pensée sera pour nous. Il va venir. Certainement, il sera là dans un quart d'heure. Il est actuellement occupé à signer l'accord avec les délégués du syndicat. Alors, parfait. Il faut en finir aujourd'hui même. Personnellement, je ferai mon possible. Je ne le sais que trop. Que voulez-vous dire? Je dis que vous faites trop bien votre travail et que cette espèce d'adoration que vous manifestez pour Mme Heller serait presque insultante. Si ce qui vient de vous vers elle pouvait être insultant. Je joue mon rôle. Oui. Trop bien. Rien de ce qu'on fait n'est jamais trop bien fait. Moi, c'est mon principe. Je fignole. Vous fignolez? Oui. Je soigne le détail. J'estime qu'il faut laisser au hasard le moins de place possible pour qu'il aille bien là où on l'attend. Ah oui. Et puis que voulez-vous, j'aime votre personnage. Je n'y peux rien, il me plaît. Enchanté. D'ailleurs, sans me vanter, je crois l'avoir bien amélioré. Vous trouvez? Ah oui. Il partait mal, avouez-le. Mais j'ai tout de suite senti qu'on pouvait en tirer quelque chose. Oui, je vous dispense de tout commentaire. Pourtant, il est nécessaire de fixer encore un point important. Fixer? Il est bien entendu que l'amoureux de Mme Heller, ici, c'est moi. C'est entendu. Vous ne l'aimez pas, vous ne l'avez jamais aimé. Ah, pardon? Il m'a fait venir ici pour le prouver. Alors? Vous me reprochez de montrer trop d'admiration pour elle, n'est-ce pas? Oui. C'est votre faute. Je suis obligé de faire mieux que vous. Quoi? Je suis obligé d'apprécier plus que vous les yeux de Mme Heller, le sourire de Mme Heller, la démarche de Mme Heller. Et c'est pas toujours facile. Ah non? Oh non. Croyez-moi, dispensez-vous d'une admiration justifiée, mais dans votre cas, très dangereuse. Vous croyez? Ah oui. Admirer, mais qu'on n'en sache rien. Mais vous êtes vraiment inouï, hein? C'est comme cet air de souffrance que vous prenez quand elle rit d'une plaisanterie que vous n'avez pas faite. Il est déplacé. Déplacé? Oui, je crois. C'est une leçon? C'est un conseil. Je ne vous paie pas pour me donner des conseils. C'est la preuve qu'ils sont désintéressés. Gardez vos conseils pour vous-même. Si j'en juge par votre vie, vous en avez bien besoin. Ma vie n'est pas si mal puisque vous n'avez pas craint de l'enrichir d'un peu de la vôtre. Prenez garde. À vous. Vous avez tort de m'exaspérer. Vous allez me briser, vous aussi. Je suis très puissant. Vaut mieux être fort. Il pourrait vous en coûter cher. Je n'ai rien que votre argent. Et puis ma patience a des limites. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas qu'elle a des limites? Non. Et si je vous envoyais mon poing dans la figure? En me frappant, c'est un peu François Crémone que vous frapperez. Nous nous retrouverons. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Laurette. Vous en faites une tête, mon pauvre ami. Bonjour, Domino. Alors, où en sommes-nous? La grève est terminée, il faut faire quelque chose. Eh bien, nous pourrions peut-être faire surprendre cette scène que vous avez si soigneusement répétée. Non. Comment non? Ah non, non, non, non, non, j'ai réfléchi, c'est insuffisant. Insuffisant? Comment, dans cette scène, il vous dit qu'il vous adore, qu'il veut vous emmener au bout du monde, qu'il n'a jamais pu vous oublier, et vous trouvez que c'est insuffisant? Ce serait suffisant s'il était seul à me le dire, mais je ne sais pas ce qui vous a pris depuis quelque temps. Vous ne pouvez me rencontrer sans me rouler des yeux terriblement significatifs. Ah. vous roule des yeux, moi. Oui. Je suis surprise que mon mari s'inquiète encore de Domino quand vos sentiments pour moi sont si visibles. Alors, on ne se fait pas surprendre? Non. Dans ce cas, j'ai une autre idée. Ah, laquelle? J'aime beaucoup l'idée de Domino. Je vais me tuer pour vous. Quoi? Oui, je vous aime tellement, je sens que je vous ai perdu, je décide de mourir. Mais vous êtes fou. Ah non, mais rassurez-vous, une petite mort bien tranquille, j'en mourrai pas, j'ai l'habitude. Ah bon, vous avez l'habitude? Oui, je serai seulement un peu blessé. Un peu blessé? Non, mais très proprement, je n'allierai même pas un fauteuil. Assez. C'est stupide. Vous êtes stupide. Vous voulez vous rendre intéressant. Vous estimez que Laurette n'est pas encore assez troublée avec vos manières d'aventurier. Comment troublée? Alors vous avez trouvé ça. Vous voulez vous donner le rôle d'un héros qui n'hésite pas à mourir pour celle qu'il aime. Alors là, je ne vous comprends pas. Enfin, vous lui faites une scène alors que pour 30 000 francs, il vous offre un suicide. Alors vous acceptez? Ah oh non, j'accepte pas, mais je suis très touchée. Je vous en prie. Si, je trouve votre idée très jolie, très, très noble. La moindre des choses. Se tuer pour une femme qui ne vous aime plus, c'est... Je ne me serais pas tué. Ah, presque. Presque, c'est entendu. Vous voyez. Bon, dites, est-ce que vous avez bientôt fini de vous congratuler? Nous ne sommes pas là pour examiner les mérites de monsieur. Hein? Il en a tellement, la journée n'y suffirait pas. C'est juste. Alors? Alors? Qu'allons-nous faire? Si nous renonçons au suicide, je ne vois qu'une issue. Le baiser. Quel baiser? Un baiser que nous échangerions au moment voulu, madame et moi. Qu'est-ce que vous dites? Un baiser, c'est net. C'est pas compliqué, c'est catégorique. Oui, j'aime encore mieux le suicide. Ben, le suicide ou le baiser, nous n'avons pas le choix. Enfin, il n'est pas question que vous l'embrassiez, Laurette. N'est-ce pas? Ça, faudrait mieux pas. C'est aussi mon avis. Ah, évidemment, c'est net. C'est net et catégorique. Mais j'y pense. Si votre mari n'arrive pas au moment prévu, alors votre baiser, il durera une heure. S'il doit durer une heure, je préfère le suicide, moi aussi. Insolent. Non, c'est de la prudence, c'est tout. Non, je crois que ni le baiser ni le suicide ne me paraissent convenir, et c'est pourquoi je suis bien contente d'avoir trouvé autre chose. J'ai trouvé Mirandol. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous le connaissez très bien, vous l'avez rencontré il y a 20 jours. C'est l'homme que j'ai failli aimer à votre place. Ah, Mirandol! Ouais. Ah, ouais. Alors voilà, Christine est allée le voir, et moyennant 500 francs, il a accepté de venir témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner que monsieur a été mon amant, que je l'adorais, et que c'est à cause de moi qu'il est parti pour l'Afrique. D'ailleurs, il a des preuves. Des preuves? Eh oui, toutes les lettres d'amour que vous m'avez écrites en imitant son écriture, Christine les a données à Mirandol. Ah, parce que vous avez aussi écrit des lettres. Je fignole. C'est ça. J'ai d'ailleurs dû corriger l'orthographe. L'orthographe, il n'y a pas de faute. Mais justement, lui, il en fait. Ou alors, pardon. Bon, Laurette. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai entendu du bruit, c'est peut-être votre mari. Si c'est pas lui, laissez-nous seuls 5 minutes. Ok. Laurette, qu'est-ce qui se passe? Je vous reconnais plus, vous n'êtes plus la même. Vous semblez vous amuser de tout ça. Hein? C'est vrai, je m'amuse. Me le reprochez-vous? Laurette, depuis 15 jours, je suis comme fou. Je suis jaloux de tout, de tous, de vos amis, de votre mari, de cet homme même. De Domino? Oui. Vous êtes jaloux de votre ombre? Enfin, Laurette, c'est pas possible que vous ayez oublié tout ça. Enfin, nous nous sommes aimés. Souvenez-vous-en. Tu m'as aimé. J'ai aimé François. Je ne sais pas s'il s'appelait Crémone. Enfin, rappelle-toi Le petit café de l'école militaire, le petit artilleur qui venait boire son apéritif, et le père Fernand avec ses grosses moustaches. Il s'appelait Adolphe. Non, non, Fernand. Adolphe, il était à Domino, c'est comme l'artilleur. Il n'y a jamais eu d'artilleur à l'école militaire. Bon. Demandez à Domino. Attention, le voilà. Bon, alors allons-nous-en. Ah non, vous, il faut rester. Comme... Il faut rester, vous, pour que nous ayons l'air d'être seuls. Eh oui, pour que nous ayons l'air d'être seuls. Eh ben voyons. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es content? Tout s'est déroulé selon tes prévisions? Oui, merci. Où est Laurette? Quelque part par là, avec Dominique. Avec Dominique? Eh ben, oui. Et tu te trouves malade et c'est seul tous les deux? À feu. Ah oui, c'est vous, vous êtes là. J'ai demandé un entretien confidentiel. Et que voulez-vous? Qui êtes-vous d'abord? Mirandol. Je ne vous connais pas. J'en suis fâché. Bien fâché. Enfin, ça ne m'étonne pas. Tu crois pas que tu devrais l'entendre tout de même? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je croyais que vous m'aviez cligné de l'œil. Je vous ai cligné de l'œil, moi. Ah, je vous demande pardon, c'est sans doute un tic que vous avez. Oui, je sais. Ouais. Non, mais je vais le recevoir, un peu ce que fait Laurette. Oui. Vous, je vous préviens que si ce que vous avez à me dire n'est pas intéressant. Je n'en parle pas les mots à la légère. Je vous assure que c'est d'un intérêt puissant et d'une urgence formidable. Bon, eh bien, nous allons voir. Bon, alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors. Monsieur, je ne vous demande pas d'argent, je n'attends rien de vous. La seule rétribution que j'espère est le merci. Oh, merci, monsieur, que vous me direz tout à l'heure. Alors, monsieur, je vous demande de bien vouloir vous départir de la brusquerie dont vous usez envers moi et qui met en ne peut plus pénible. Parlez, monsieur, je vous écoute, mais parlez plus simplement si vous le pouvez. Les événements dont j'ai à vous en entretenir m'obligent à châtier mon langage. Alors, de grâce, arrivons au frère. Nous y voici, monsieur. Vous aimez votre femme? Oui, mais quel rapport? Vous aimez profondément votre femme? Oui. C'est ce que je craignais. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pain. Quoi? Du pain, monsieur, dont je ne veux pas manger. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? Ces 500 francs m'ont été remis par une personne qui se prétend l'amie de votre femme. Christiane? Oui. Christiane Châtel vous a donné 500 francs? Oui. C'était d'ailleurs primitivement 5 billets de 100 francs, mais je les ai convertis en un seul gros billet pour mieux résister à la tentation de l'échanger. Ces 500 francs sont le prix de mon déshonneur. Gardez-les, monsieur, vous les rendrez à votre ami. Je veux bien. Mais vous ne me demandez pas pourquoi elle me donnait ces 500 francs? Ah, pour vous déshonorer, vous me l'avez dit. Oui, mais pas seulement moi. Elle me payait pour venir vous dire que votre femme a eu un amant. Quel amant? Oh, mais... Vous ne repoussez pas du pied ces infâmes calomnies? Quel amant? Non, mais puisque je vous dis que c'est faux. Avec ce qui est faux, je saurai ce qui est vrai. Vous dites, alors ça, vous êtes réellement bizarre, moi. Et puisque je vous dis que rien n'est vrai. Peut-être rien de ce que vous dites, mais le reste. Et si vous saviez qui réellement veut faire passer pour l'amant de votre femme, alors... Qui? Un nommé Dominique, un purotin comme moi. Il y a un mois, il n'avait jamais vu votre femme. Non. Elle l'a engagé devant moi. Et je ne sais pas pourquoi faire exactement. Elle l'a engagé devant vous. Oui, oui. Et on veut vous faire croire que ce malheureux... Car c'est un malheureux, hein, est l'amant de votre femme. Oh, mais alors? Mais heureusement que Mirandol est là, hein. Il est là, Mirandol, hein. Et il se met en travers, hein. Il est en travers, merci, hein. Merci. Je te dérange pas, vieux. Peux-tu patienter encore 5 minutes? C'est intéressant ce qu'il te raconte. Ah, très intéressant. Ah, ça, je te jure, très intéressant. Bon. Ben alors, à tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Alors, Oui, vous n'imaginez pas ce qu'elle a pu me dire. Une histoire tellement compliquée. Je l'ai marqué sur mon carnet, là. Soi-disant que j'aurais été maître d'hôtel, je ne sais plus où, que je les aurais connus, et je leur aurais même subtilisé des lettres. Bonjour, mon chéri. Tu n'as pas besoin de moi ? Non, non, veux-tu me laisser 5 minutes avec monsieur ? Mais volontiers. Venez, nous allons poursuivre cette conversation chez moi. Au moins dérangé. Si je vais continuer, je passe bien, vous savez, parce que vous savez, monsieur, je ne laisserai pas faire de mal à une femme qui m'a donné de quoi lui acheter des roses. Excusez-moi, cher ami. Ils sont partis. Je sais pas pourquoi, mais ce Mirandol ne me dit rien qui vaille. Mais il est parfait, au contraire. Je vous dis qu'il remettait la lettre à Jacques au moment où je suis arrivée. Ouais, ça ne signifie rien. Il y a façon et façon de remettre des lettres. Ils sont là-haut ? Certainement, oui. On n'entend rien, ça m'a l'air de se passer très bien. Veux-tu me faire l'amitié de monter une seconde ? Moi ? Oui, mon bon François, toi. Mais tu te trompes pas, t'es sûr ? Parfaitement sûr. C'est, moi, je pensais plutôt que c'était à lui que tu voudrais parler. Eh bien non, tu vois, c'est à toi. C'est à vous. Ah bien. Ah bon. Bon, bah alors, je monte. C'est ça, monte. Ça ne t'ennuie pas, au moins. Pas du tout. Tant mieux. Tout, je parlais. Je parlais avec ta femme. Bon, mais en somme, pourrait très bien continuer la conversation plus tard. C'est aussi mon avis. Vous nous excusez. Oh, attends, je crois que j'ai oublié mon fume-cigarette. Oh, tout à l'heure, je te promets que tu fumeras tout à l'heure. Bon, bah, comme tu voudras, alors. Entre. Comme tu voudras. Alors c'est fini. Eh oui. En ce moment, je perds ma place. Vous allez partir ? Certainement, oui. Votre mari a demandé du renfort à Crémone afin de m'acheter dehors. Alors, nous ne nous reverrons plus. Eh non. Je vous regretterais, Domino. Allons, tant mieux. Je vous dois une telle reconnaissance que... Tout est compris dans les 30 000 francs. Si, vous avez sauvé ma jeunesse, vous avez réhabilité mes souvenirs. Nous ne sommes pas seuls. Si. Je ne vous trouve pas très naturel. Pas naturel ? Non. Je pars, alors dispensez-moi les petits souvenirs sur votre jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous avons dirigé les événements, Laurette. Mais pas l'amour. Pas l'amour ? Non. Il y a entre nous trop de choses, Laurette. Trop de faux malentendus, trop de vrais caprices, trop de fausses lettres, trop de vrais chagrins. Pour qui le chagrin ? Trop de baisers donnés. Et parsus. Laurette. Vous ne voulez pas dire que... vous êtes amoureux de moi ? Eh ben si. Tout de même. Oh. Comme vous auriez désiré que François le fût. C'est bien simple, j'en suis là. Ah. D'ailleurs, êtes-vous sûr de ne pas m'aimer ? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Maintenant que vous allez partir, je redeviens Madame Heller. Une des premières choses que vous m'ayez dites, c'est que dans cette affaire, pour moi, vous ne seriez jamais qu'un prénom. Quelle mémoire! Quoi que vous fassiez maintenant pour moi, vous ne pouvez plus être que Laurette. Madame Heller. Il n'y a plus de Madame Heller. Ah, vous avez décidé ça? Est-ce qu'il y a jamais eu une Madame Heller? N'en suis pas sûr. Il y avait mal consolé une amoureuse de François Crémone. Mais je vous défends. Vous allez me dire que vous aimez votre mari? Mais oui, je vais vous le dire. Vous ne pouvez même pas le croire. Non, vous ne l'aimez pas. Vous vous rendez compte de ce que vous faites faire depuis 3 semaines? Pauvre Jacques. Vous savez bien que vous ne serez plus ici ce soir. Où serais-je? Avec moi, sur les routes. Et Jacques? Je lui donne 15 jours pour vous oublier, pas plus. Ah, bien, vous n'êtes pas aimable. Il aura autre chose dans la ville et moi je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien et je n'ai jamais rien eu. Domino. Vous avez peur de l'aventure? Il n'y aura pas tellement d'aventure. Nous serons des bourgeois. Des bourgeois? De Tahiti ou de Chandernagore. Non, laissez-moi, je vous demande de vous taire. Me taire, alors que nous avons peut-être une minute, une seule minute, pour nous décider. Si tu essaies encore une fois d'ouvrir cette porte, je te casse la gueule. Qu'est-ce qu'il prend? C'est fou. Vous les entendez? Notre zigane. Je ne plaisante plus, écoute-moi, tu es toute ma vie. Je ferai des prodiges pour toi. Si tu ne viens pas, je suis foutu, tu m'entends foutu. Décide-toi, tu as encore 20 secondes. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Tu l'entends, les 20 secondes sont terminées. Il s'agit de choisir Laurette et de choisir vite. Mais oui, mais parfaitement. C'est pas la peine, Dominique, il sait tout. Tu sais tout? Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Viens. Qu'est-ce que tu peux espérer d'amusant de la vie qu'il t'offre? Bien joué. Il est malin. Ne vous fatiguez pas, je vous dis, mon vieux, il sait tout. Est-ce que tu te vois entre ces deux-là pour la vie entière? La vie entière, Laurette. Et allez donc! Vous permettez de tutoyer madame maintenant? Laisse-toi, laisse. Ah, bah, tout de même, il me semble. Allez, je te dis. Il m'amuse. Et tu t'inquiétais de lui, tu vois, je l'amuse. Il s'amuse. Viens. Non. Ah, je te comprends, tu voudrais une excuse. Une excuse pour partir. Eh ben, regarde-les. Elle est là, ton excuse. Laissez-moi. Regarde-les. Et tu ne pourras pas ne pas partir. Alors maintenant, nous avons la série. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir au plus vite. Tu vois, Laurette, il veut que nous nous en allions. Viens. La comédie est finie. Nous n'avons plus besoin de vos services. Il croit que nous jouons encore. Laurette, prouve-lui que c'est fini. Viens. Fais attention, Jacques, je t'assure qu'il ne se tutoyait pas et quelque chose de louche. Adieu, Jacques. Ne te fatigue pas, Laurette, je sais tout. Mirandol m'a tout raconté. Il ne t'a pas tout raconté. Quoi que tu fasses, tu ne sauveras pas François. Tant pis. Et je sais que tu ne peux pas aimer ce malheureux. Je ne sais pas. Je vais partir avec lui. Il faut me pardonner, Jacques. Tu ne pourras plus être heureux avec moi. Écoute, je suis patient, mais n'en abuse pas. Tu veux me retenir de force? Oui. Je partirai, Jacques. Tout ce que tu fais est inutile. Je ne crois pas que ce soit inutile. Et je ne crois pas que tu partiras. Je partirai, Jacques. Ce n'est pas à lui qu'il faut le dire. Dites-le-moi une fois. À moi. Je partirai, François. Merci. Je voudrais bien savoir où, quand et comment. Eh bien, vous voyez, je ne suis pas comme vous. Ça ne m'intéresse pas. Elle partira. Vous pouvez en être sûr. Et je serai là. Le reste n'a aucune importance. Fais attention, Jacques. Bonsoir, Laurette. Je serai là où il faudra. Je vous conseille de brusquer vos adieux. Vous permettez encore un mot à Crémone? Mon cher, il est bien entendu que vous ne me devez rien. Au contraire. C'est vous qui avez pris ma place. C'est moi qui vous dois 30 000 francs. À tout de suite, Laurette. À nous deux maintenant. Il s'agit bien de nous. Regarde, Laurette. Qu'est-ce qu'elle a, Laurette? Elle a qu'elle va partir. Laisse-moi tranquille avec son départ. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi, c'est entendu. Mais elle part. C'est un peu avec moi qu'elle va partir. Alors, tu peux bien faire tout ce que tu voudras. Si tu savais ce que je m'en fous.